Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie américaine. Pour rembourser leurs dettes, Zach et Miri ont comme idée géniale de réaliser un film porno avec quelques amis. Et comme on le sait, le sexe ça crée des liens, Zach et Miri vont se rendre compte au fur et à mesure du tournage qu'ils sont en train de devenir un peu plus que des amis. Pourquoi y'a plus d'eau? Sans du nœud à couper. Aide-moi à enlever ça de ma tête. Sers-toi de la flotte qui est dans les toilettes. Y'a un bronze dedans. Que faire quand on a de gros problèmes d'argent? Si on n'arrive pas à payer le prochain loyer, ils vont nous expulser de l'appart. Il va falloir que tu vendes ton cul. On va faire du porno. Et un bon porno, c'est surtout un titre poétique. Laurence d'Arabite. L'invasion des profanateurs de cul. Oh, j'ai trouvé! Stardust. Une histoire romantique. Action. Salut. Je suis chauffeur-livreur. Waouh, cette crème a l'air très lourde. Vous êtes super costaud. Oh, allez, on baise. Des acteurs expérimentés. Suivant. Je veux de la queue et je la veux tout de suite. Des scènes d'action à couper le souffle. Ah ouais. Ah. Il peut lui taper un peu sur le cul. Oh, c'est pas un film de pervers. Et surtout, la règle d'or. Tous les rapports doivent rester strictement professionnels. C'est pour le film qu'on le fait. On est copains, tu vois, on est que copains et on veut le rester. Zach et Miri font un porno avec Elizabeth Banks, un DVD Whiteside.